Merci Teresa, merci aussi à l'organisation de ces journées d'études. Bon, je vais parler de Moeda, Mémoire et Massacre. Moeda, Mémoire et Massacre, film qui a été projeté, comme Teresa a dit, le mercredi au studio de Sursouline. Le film est considéré comme le premier long métrage de fiction de Mozambique indépendant. Dans un premier temps, on pourrait regarder le film de Rui Guerra, cinéaste mozambicain naturalisé brésilien, comme une reconstitution cinématographique du massacre de Moeda, événement historique qui, en 1960, 4 ans avant la date officielle du début de la guerre coloniale au Mozambique, constituerait le germe symbolique du conflit. Le massacre de Moeda a été l'un des plus importants épisodes de résistance contre le colonialisme portugais. Le 16 juin 1960, l'administration coloniale portugaise a réprimé en tuant, selon l'histoire officielle mozambicaine, plus de 600 personnes. Une manifestation pacifique en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de vie à Moeda, dans le plateau de Maconde, au nord du Mozambique. Les circonstances du massacre restent ambiguës jusqu'à aujourd'hui, particulièrement en ce qui concerne le nombre de victimes. De toute façon, le massacre de Moeda a contribué considérablement à la politisation du peuple Maconde et influencé par conséquent la façon dont le Frelimo, c'est-à-dire le Front de libération du Mozambique, et sa campagne militaire se sont développées, surtout dans la première phase de la guerre coloniale. En cessant Moeda, Mémoire et Massacre, non seulement commémorer le principal antécédent symbolique de la guerre coloniale, mais encore et surtout fonderait et inscrirait historiquement, dans l'absence d'images d'archives, la mémoire cinématographique de l'événement. La naissance politique du pays coïnciderait ici avec la naissance de son image cinématographique. Je retournerai au contexte de production de Moeda, Mémoire et Massacre plus tard, mais pour le moment, il me paraît important de préciser que le film a été produit par le INC, l'Institut National de Cinéma Mozambicain, qui, comme Rose Grey a dit, a été fondé en 1976, peu après l'indépendance du pays, supprimé en 1991 et converti à l'INAC, l'actuel Institut National d'Audiovisuel et de Cinéma, où les archives de l'INC se trouvent aujourd'hui. Dans cette communication, j'aimerais analyser la façon dont cette fiction de mémoire, pour reprendre une notion de Jacques Rancière, articule visuellement la relation entre mémoire et histoire et travaille la question de la reconstitution ou de la réeffectuation, terme avec une dimension pragmatique plus forte, du massacre de Moeda, fondé sur un processus de fictionnalisation de la mémoire. Comme nous irons voir, le film se caractérise par une complexe articulation entre l'histoire, le présent énonciatif, la mémoire et leur mise en scène, articulation qui déstabilise les catégories opératoires de documentaire et fiction et qui signale à la fois une politique de la représentation qui serait indissociable de l'émergence de nouveaux modèles de sensibilité et d'une affirmation du cinéma comme forme de pensée de l'histoire. Pour ceux qui n'étaient pas présents le mercredi à la projection, je vous vais montrer un tout petit extrait du film. Je m'excuse parce que la qualité est très mauvaise. C'était très petit, je m'excuse, puisque ça a été impossible de trouver une copie du film jusqu'à maintenant. J'ai défini au début le film de Rui Guerra comme une reconstitution cinématographique du massacre de Moeda. Toutefois, la complexe conception intertextuelle du récit historique qui traverse et donne forme à l'organisation diégétique de Moeda, Mémoire et Massacre, convertit cette notion dans un outil méthodologique limitatif et insuffisant pour aborder le film. Classifier Moeda, Mémoire et Massacre comme une simple reconstitution historique du massacre de Moeda serait trop réducteur, puisque les méandres politiques antérieurs et ultérieurs, et aussi le massacre même, sont représentés de deux différentes façons dans le film. En premier lieu, à travers l'enregistrement filmique de la dramatisation de l'événement, qui, à partir de juin 1976 et pendant environ deux décennies, a eu lieu annuellement dans la place publique de Moeda, devant et à l'intérieur de l'ancien immeuble de l'administration coloniale, c'est-à-dire à l'endroit même où le massacre est survenu, une représentation théâtrale et populaire, collective et carnavalesque, basée sur la pièce de théâtre homonyme de Calixto dos Lagos, qui est aussi le scénariste et le directeur dramatique du film, dont le peuple de Moeda incarné à la fois de fonctionnaires, les fonctionnaires et les militaires de l'administration coloniale portugaise et les manifestants. Dans un deuxième temps, ces images sont entrecoupées par des entretiens et des témoignages documentaires de survivants du massacre. Finalement, ces deux plans narratifs sont imbriqués dans une représentation du nouveau pays en construction, processus dont le film et sa nature autoréflexive sont symptomatiques. L'organisation filmique de temporalité et de récits en conflit inscrit l'objet cinématographique même dans le programme politique du jeune pays. De même, en fondant la mémoire de l'événement sur sa mémoire collective, directe et populaire, le film et son système énonciatif polyphonique signalent une réinvention de possibilités expressives qui seraient inséparables de l'institution du nouveau régime politique. Dans Moeda, Mémoire et Massacre, on trouve deux régimes d'expression en conflit, le documentaire et la fiction, deux systèmes complémentaires d'organisation du perceptible et de détermination du représentable. Cette tension est intensifiée par le premier niveau narratif déjà mentionné, l'enregistrement de la mise en scène populaire du massacre de Moeda, puisque Guerra et son équipe filment la reconstitution au cours de l'événement historique, une dramatisation populaire qui est indépendante du film, en employant, malgré la définition de l'objet filmique comme un long métrage de fiction, définition qui est tout à fait problématique, de stratégies de modalités narratives, formelles et esthétiques propres du cinéma documentaire. Même si je ne prétends pas attribuer une importance excessive aux taxonomies génériques, qui sont relevantes non obstant à un niveau archéologique, il est très significatif qu'un film à tel point hétérogène et fragmentaire puisse organiser polyphoniquement et énoncer collectivement ait été classifié officiellement comme un long métrage de fiction. Même dans l'affiche originelle de Moeda, Mémoire et Massacre, le film est défini comme le premier long métrage de fiction de la République populaire du Moçambique. Dans le film de Guerra, le désir de fondation politico-esthétique de forme cinématographique du nouveau pays est donc évident. En même temps, en tant que formation discursive, le long métrage de Guerra paraît vouloir affirmer que le projet politique révolutionnaire du Frelimo contemplerait aussi la redéfinition de formes esthétiques et sensibles universalisées à ces moments-là. La représentation cinématographique du peuple moçambicain dans le film de Guerra sert ces principes. D'un côté, le processus d'alphabétisation du peuple, le travail dans le machamba communal et dans la construction de nouveaux immeubles. De l'autre côté, le peuple artifice d'un film collectif basé simultanément sur la mémoire directe et sur la mémoire indirecte du massacre de Moeda, de même que sur la forme d'expression culturelle populaire. Mais ce principe est contradictoire. La représentation de la vie quotidienne au Moçambique révolutionnaire est inséparable d'un processus de fixation de la mémoire historique, de production et d'inscription de l'histoire. La représentation cinématographique du massacre, en tant qu'événement fondateur de l'histoire moçambicaine et de l'histoire du Frelimo même, puisque la manifestation du 6 juin 1960 fut organisée par la MANU, l'Union africaine du Moçambique, l'un de trois groupes politiques qui lui ont donné origine au parti d'Eduardo Mondlane et de Samora Machel. Elle est indissociable d'un geste de mythification et de translation spatiale et temporelle, c'est-à-dire de transfert de la nature mythique du passé cinématographiquement représenté vers le présent du pays en construction, un présent vivant et à la fois déjà historique, et de investissement de cette charge symbolique dans sa nouvelle image. C'est de la force du présent que vient la possibilité même de réfiguration du passé. Le film fait partie d'une histoire déjà en progression et par conséquent, le présent est traité comme la force inaugurale de cette histoire à venir. Dans Mémoire-Histoire, l'écriture de l'histoire et la représentation du passé, Paul Ricoeur, en reprenant la vieille question de l'icône mnémonique, affirme que le problème de la représentation du passé est avant tout établi dans le plan de la mémoire individuelle, où il reçoit une solution limitée et précaire qui ne peut pas être transférée vers le plan discursif historique. La question de la représentation ne commence pas avec l'histoire, mais avec la mémoire et ses processus de recomposition et de fictionnalisation du passé. Dans le film de guerre, c'est précisément le témoignage, le récit de survivants du massacre en entretien non dirigé, qui vient légitimer le processus de transformation de la mémoire en histoire. Si la constitution du récit historique est déterminée à plusieurs niveaux par la synthèse ou par l'illusion d'énoncés conflictuels, dans Mueda, Mémoire et Massacre, des images invisibles, des images qu'on ne voit pas, les images mnémoniques de survivants, ces hors-champs historiques, sont convoquées et dans un certain sens extrapolées et traduites par le récit filmique. Dans sa représentation élargie, le film ne montre plus que ce qu'on peut y voir, mais il nous montre moins aussi. On ne voit même pas le narrateur du film. Certes, il y a le narrateur de la représentation théâtrale, il y a par ailleurs l'œuvre dramatique de Callisto Lagos, mais il y a aussi au tout début du film un intertitre où le récit d'un témoin oculaire anonyme du massacre est gravé. Dans cet intertitre, on peut lire « Ils ont tué plus de 600 personnes le 16 juin 1960 ». C'est aussi une impuissance de l'image mouvement et de son effet de présent alors de représenter un passé non consensuel que l'intertitre signale. Mais il signale aussi une insuffisance de la mise en scène de la pièce théâtrale à montrer une représentation du passé ajustée à l'histoire officielle mozambicaine. Je n'ai pas mentionné encore que le film a été remonté au moins deux fois, apparemment en raison de divergences rapportées avec l'adoption d'un point de vue historique non reconnu officiellement au moment de production du film, et que peut-être le réalisateur Rui Guerra n'a pas participé au montage de la version finale. Mais comment savoir si cet intertitre a été ajouté à ces moments-là? Si le système annonciatif du film rejette un regard rétrospectif ou commémoratif sur le passé, c'est précisément cette sorte de regard qui est ajouté au récit filmique par cet intertitre non subjectivé. Pourtant, les différentes couches de représentation de Mueda, Mémoire et Massacre, la complexe structure diégétique du film, le mouvement, la circulation et le moment de suspension constant entre les différents niveaux narratifs suggèrent une notion intertextuelle intriquée qui serait à la base de la construction du récit historique en signalant au même moment cette difficulté de représenter le rapport entre mémoire et histoire. Cette fiction de mémoire paraît proposer un nouveau système de représentation du visible libéré du poids idéologique de l'image coloniale. Il ne s'agit pas seulement de fixer la mémoire du massacre, mais aussi de la créer. Autrement dit, en produisant cette archive singulière du massacre, des images différées de l'événement historique, Guerra produit aussi la forme de sa visibilité définitive, des archives pour l'histoire future du Mozambique. Des archives traversées par le conflit entre temporalités diverses, mais encore par la disruption de lignes de séparation entre le documentaire et la fiction. Si la notion d'archive est indissociable d'un ensemble de méthodologies d'organisation du visible, et si le même concept d'objectivité et de vérité historique, dépendant aussi de méthodes et de conditions de visibilité discontinues, sont fluctuants et instables, sera-t-il légitime de considérer aujourd'hui les images du film de Rui Guerra comme des archives différées du massacre de Mueda? La description historique du massacre de Mueda a été réorganisée et modifiée plusieurs fois, accompagnant les oscillations du pouvoir politique, notamment avant et après l'indépendance du Mozambique. La multiplicité de points de vue sur l'événement révèle sa nature hautement symbolique et son importance politique et idéologique. D'ailleurs, analyser le contexte de production du film de Guerra est aussi indispensable. La fondation de l'INC a été l'un des premiers actes culturels du Frélimont. Un nombre important de films ont déjà été produits pendant la guerre coloniale, comme par exemple Venceremos, Nous vaincrons, film de 1966 du réalisateur yougoslave Dragutin Popović, qu'intégrerait après l'indépendance de Mozambique l'équipe de l'INC. La lutte continue de Robert von Lierop, Behind the Lines de Margaret Dickinson, ou encore Étudier, produire, combattre, film réalisé par le groupe Cinétique en 1973 dans un champ d'entraînement de la Frélimo à la Tanzanie. Dans un pays avec 90% d'analphabétisme et d'une grande diversité linguistique, le cinéma serait rapidement conçu par le Frélimo comme un instrument de décentralisation de l'histoire officielle coloniale, de la même manière qu'une instance de légitimation non seulement de l'État socialiste en construction, mais encore de l'identité mozambicaine, en fondant par conséquent l'idée imaginaire de nation unitaire au-delà de la diversité ethnique. Dans cette finalité, comme Rose Gray et Elisabeth ont mentionné, de techniciens cinématographiques et de réalisateurs internationaux ont été convoqués au Mozambique, comme Jean Rouch et Jean-Luc Godard. Entre 1978 et 1991, l'INC a produit 13 longs métrages, 119 courts métrages et 395 reportages dénommés Couche Canem, Naissance de l'image. Ce sera dans ce contexte que Rui Guerra, cinéaste brésilien né au Mozambique, retournera dans son pays natal, invité par l'INC. En 1976, Rui Guerra, l'un des auteurs les plus importants du cinéma novo, avait déjà réalisé quelques œuvres remarquables, comme Os Cafajestes, dont le titre français c'est La Plage du Désir, de 1962, ou Os Fuzis, Le Fusil, de 1964. En réalisant le premier long métrage de fiction du pays, Guerra participerait activement à la mythique Fondation cinématographique du Mozambique. Citant Jorge Rebelo, ministre de l'Information du Mozambique entre 1975 et 1980, nous avons décidé que le cinéma devrait être un instrument pour consolider l'indépendance, pour promouvoir l'unité nationale et pour la victoire dans la nouvelle lutte contre le sous-développement. En même temps, le cinéma devrait avoir un rôle important dans la destruction de la mentalité que le colonialisme a instigée dans les esprits de notre peuple à travers les siècles, et un instrument pour transmettre les valeurs de la révolution socialiste. Le choix du massacre de Moeda comme sujet du premier film de fiction du nouveau pays est significatif dans ce contexte. Comme il a déjà été dit, la définition de l'œuvre comme un film de fiction est problématique. Mais quelle est la raison de cette insistance rhétorique sur la fiction par opposition au documentaire comme le système d'expression qui établirait officiellement la mémoire cinématographique de l'un des événements symboliques les plus importants de l'histoire de la décolonisation mozambicaine? Dans le film, on trouve non seulement une double temporalité qui branche les événements mis en scène du massacre de 60 avec le processus de construction du nouveau pays en 76-79, une annulation de la distance temporelle, une réfiguration effective du temps, mais encore un travail d'excavation de la mémoire. Il est important de rappeler qu'il y avait des survivants du massacre parmi les comédiens du film, dont Faustino Vanhomme, l'un des premiers opposants à présenter ses revendications. À travers l'excavation de la mémoire, en articulation avec l'inscription de l'événement dans l'histoire mozambicaine, il appelle à une nouvelle politique de la représentation. Il est possible d'identifier certaines formes stylistiques caractéristiques de la filmographie antérieure de Guerra dans le film, comme le plan-séquence dynamique, la concession formelle et la recomposition de l'espace scénique. Mais on trouve à la fois de nouveaux éléments, comme l'autoréflexivité et l'adoption de certaines stratégies de mise en scène qui évoquent le projet de Rossellini pour la télévision et plus exactement la réinvention cinématographique de quelques procédés de tournage en studio. Guerra filme la mise en scène théâtrale du massacre, une manifestation populaire autonome du film en production, comme s'il filmait l'histoire, le vrai massacre en direct. D'ailleurs, l'articulation entre la mémoire directe de l'événement, le témoignage de survivants du massacre et la dramatisation de l'épisode historique contribue à renforcer sur le plan de la réception le questionnement de la temporalité de l'image en tant que trace. Cependant, Moeda Memória e Massacre é apresentée comme le premier film de fiction de la République Populaire de Moçambique. Un film de fiction sans mise en scène directe, puisque les événements filmés, la dramatisation théâtrale autonome, sont indépendants du film, même s'il reste doute par rapport à l'autonomie des séquences filmées à l'intérieur de l'ancien immeuble de l'administration coloniale. Il y a comme processus rétroactif de temporalisation et de légitimation. Le témoignage de survivants du massacre rétemporalise comme une sorte de supplément mnémonique les séquences mises en scène, tandis que celles-ci, dans leur double temporalité, sont inscrites dans l'histoire du Moçambique en acquérant, dans un certain sens, le statut d'image d'archives du massacre. Des archives différées dans une complexe articulation entre l'histoire, le présent, la mémoire et son organisation cinématographique prennent forme. Le travail de la fiction repose précisément sur l'organisation de ces niveaux narratifs dans le processus de montage. Même si le film suit la structure originale de l'œuvre de théâtre, le montage articule des images de différents et pas d'une seule dramatisation populaire du massacre. La structure narrative qui émerge du montage, la temporalité décalée et l'articulation des systèmes expressifs hétérogènes construisent ainsi une nouvelle mémoire du massacre. En reconstituant la reconstitution du massacre, en l'articulant aussi avec les deux autres lignes diégétiques, celle de témoignage et celle de la représentation du pays dans la première année d'indépendance, en réorganisant sa temporalité et sa chronologie, le film de Rui Guerra crée la forme définitive de visibilité du massacre de Moeda, en établissant en même temps la condition formelle et expressive pour la naissance du cinéma moçambicain. La fondation de l'histoire du nouveau pays est concomitante de la création de ses formes cinématographiques. D'un cinéma qui non seulement se distinguerait de la représentation cinématographique coloniale du Moçambique, mais qui se démarquerait aussi du cinéma du premier monde et du réalisme socialiste, en s'approchant du tiers cinéma. De Chaimit, A Queda do Império Vátua, dont on s'est parlé du film, de Jorge Bruno do Canto, au cinéma anthropologique, le cinéma portugais colonial tend, avec quelques rares exceptions, à étendre le mythe de la mission civilisatrice. La fondation de l'INC et le premier projet de l'Institut doivent aussi être compris dans ce contexte, à la lumière d'une volonté de rupture de l'image coloniale du pays, de son pré-cinéma, héritant pourtant quelques-unes de ses formes et aspirations, comme possiblement celle du film épique de fiction, de l'épopée qui réunit l'histoire et la mémoire. Dans une interview à la revue moçambicaine Tempo en 1980, Guerra affirmait avoir cherché à travers le film un jugement d'ordre esthétique et un jugement d'ordre politique qui sont inséparables l'un de l'autre. Dans une autre interview à la revue, le réalisateur décrit Moeda, Mémoire et Massacre comme une tentative de réalisation d'un cinéma imparfait à partir d'un théâtre imparfait, citant ainsi l'essai pour un cinéma imparfait de 69 du réalisateur cubain Julio García Espinosa, l'un des manifestes du tiers cinéma. Je cite: il n'y a que la révolution et le processus révolutionnaire qui peuvent rendre possible la présence totale et libre des masses, puisque cette présence des masses sera la disparition définitive de l'étroite division du travail, de la société divisée en classes et secteurs. Pour cela, la révolution est pour nous l'expression la plus haute de la culture, parce qu'elle fera disparaître la culture artistique comme culture fragmentaire de l'homme. Cette concession réclame une réorganisation et une universalisation de l'expérience esthétique, parallèlement qu'une redéfinition du rapport entre le sujet esthétique et son objet, en somme toute une nouvelle politique de la représentation. Au Moçambique, des unités de cinéma mobile ont été créées par l'INC. Ces unités produisaient des reportages qui étaient projetés dans tous les pays. La construction d'un cinéma national dans un État marxiste, en contradiction avec son internationalisme théorique, sert dans ce contexte le principe d'unité et d'identité moçambicaine. Dans un deuxième moment, des équipes vidéographiques seraient distribuées au peuple qui créera ainsi ses propres films en s'abolissant par conséquent les frontières entre le sujet et l'objet de représentation. Le projet dont Jean-Luc Godard a été engagé échoua, mais quelques-uns de ses principes, dont la polyphonie de la parole et sa circulation collective, sont restés dans Moeda, Mémoire et Massacre. Dans le film de guerre, le récit historique est construit à travers l'articulation entre la mémoire collective et l'expression culturelle populaire, qui advient premièrement d'un processus de fictionnalisation de la mémoire. La définition officielle du film comme un long métrage de fiction est au service, certes, de principes idéologiques du jeune pays, notamment la mythification du processus de décolonisation. Cette classification peut aussi exprimer un refus du point de vue historique du film par les instances officielles du Frélimont, mais elle pourra aussi affirmer une concession de la fiction dans son articulation avec la politique, en évoquant Jacques Rancière à nouveau comme un système de représentation autoréflexif, c'est-à-dire qui se montre et se révèle en tant que représentation de la réalité et où réside précisément sa puissance politique. Si on abandonne l'axe documentaire-fiction, sera-t-il légitime de considérer les images de Moëda, Mémoire et Massacre comme des archives du massacre de Moëda? Ont-elles la même valeur ontologique que les inexistantes images d'archives du massacre? Évidemment, non. Mais pour finir, je dirais que le tome du film sont des archives différées, de plans disloqués et détemporalisés, des images dialectiques traversées par des temporalités multiples en conflit, un passé et un présent qui, conjugués, rendent l'histoire présente. L'histoire du massacre, mais aussi l'histoire du projet politique mozambicain, elles sont aussi des images infiltrées par des dispositifs de pouvoir où des éléments vivants du passé réapparaissent, superposés au présent énonciatif. Comme affirmait Paul Ricoeur en Le Temps raconté, remonter la trace ne sait pas rendre les événements passés auxquels elle conduit contemporains de leur propre trace. En excavant l'espace et le temps matériel de ces images, cette discontinuité de contradictions fondamentales et de postulés incompatibles surgissent, des lignes de fracture. De la Fondation cinématographique du Mozambique, premier long métrage de fiction de la République populaire, aux archives institutionnelles, film hors circulation pendant une longue période de temps, rarement vu, rarement montré, déjoué, tout comme le projet politique du Frélimont. Des images qui sont des archives différées puisqu'elles ne prétendent pas être ni être à la fois des images du passé, mais qui constituent au contraire une force disruptive qui lie transversalement le passé de 60 au présent énonciatif de 79 et à nos jours, en signalant le passage du temps sur le récit de l'histoire, l'utopie et le travers de la mémoire. Merci.